Les Nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Les aventures de Harry Lime. Harry Lime existait donc avant de surgir dans Le Troisième Homme de Carol Reed. Oui, grâce à la radio anglaise qui proposa en 1951, et la version française fut diffusée dans la foulée, des épisodes mettant en scène ce personnage devenu mondialement célèbre 2 ans plus tôt grâce à l'interprétation d'Orson Welles et au scénario de Graham Greene, Alexander Korda et Carol Reed. Mais les aventures radiophoniques de Harry Lime, antérieures à celles vécues dans Le Troisième Homme, bien sûr, n'avaient plus guère de rapport avec le ton tragique de ce film. Harry Lime, un drôle de type. Non, ce type n'est pas un type, c'est Harry Lime. Et dans l'aventure qui vient, on retrouve ô combien la patte d'Orson Welles, qui reprenait vaguement le sujet de son roman, adapté ensuite pour la radio française, Une grosse légume. Un dictateur sur une île, la rivalité entre le Boutso et l'Abomino, bref, une pochade, avec des votants posthumes, posthumes comme le candidat. Première diffusion sur Paris Inter le 28 novembre 1951. Et voici le candidat posthume, le 7e épisode des aventures de Harry Lime. Harry Lime, l'aventurier cosmopolite. Harry Lime, le troisième homme. Aujourd'hui, ce sera une histoire de manigances politiques et d'intrigues internationales. J'y étais mêlé parce que j'avais décidé, à titre d'essai, de m'acheter une conduite. J'avais obtenu la concession du Boutso pour ma ligne. Boutso, vous le savez, est une boisson populaire garantie sans alcool. Ma ligne, vous ne le savez certainement pas, est une petite île, une république en Méditerranée. J'avais gagné la concession dans une partie de dés, bien sûr, les dés étaient légèrement pipés. Mais de la manière dont les choses ont tourné, j'aurais mieux fait perdre. Rapprochez-vous, je vais vous raconter ça. La mer est belle, n'est-ce pas? Très calme. Oui. Vous débarquez à Malinia? En effet. Moi aussi. Mon Dieu, pourquoi donc? Boutso. Moi, je vais m'y marier. Mais vous? Boutso. C'est tout ce que vous trouvez à répondre, Boutso. Boutso. Comment dites-vous? Boutso? Eh oui, Boutso. Des millions de gens en parlent à travers le monde et même... ils en boivent. Ah oui, je me souviens. Buvez Boutso. Du bonheur en bouteille pour 20 francs. J'ai la concession pour ma ligne. Et je vais prêcher l'évangile Boutso dans le dernier pays qu'il ignore. Eh, dites-moi, vous me paraissez bien jeune pour vous marier. Vous aimeriez vous appeler Crows, vous? On n'est jamais trop jeune pour se débarrasser d'un nom pareil. En effet. Une voyante de Washington a lu mon avenir dans une tasse de thé. Ça m'a coûté 200 francs. Et savez-vous ce qu'elle m'a dit? Elle m'a prédit que j'épouserais un diplomate et que je ferais un voyage en mer. Eh bien, c'est arrivé. Seulement, que pensez-vous que le diplomate fasse en ce moment au bar? Ah, il se saoule. Non, il joue au poker d'enfer avec ce grec de seconde classe. Joachimo dit que nous avons besoin d'argent et que ce n'est pas tous les jours qu'on trouve un grec stupide. Votre fiancé est un tricheur professionnel? Non, il est seulement diplomate. Consul général de la République de Malinia à Washington. Un jour, il sera ministre des Affaires étrangères de Malinia. C'était pas tant. Et à quand le mariage? Je ne sais pas. Sans doute quand je serai amoureuse de mon fiancé. Et le voici qui joue au poker. J'ai l'impression que ça va durer un bon moment. Et si nous combattions la monotonie? Ah? Je vous avertis, Miss Cross. Je vous trouve ravissante et je vais vous embrasser. Bon. vous embrassez bien. Comment vous appelez-vous? Harry. Harry Lime. Bien, Harry. Recommencez donc. Embrassez-moi. Mais avec plaisir. J'espère que je ne vous dérange pas. Oh, Jacquimo, vous vous en moqueriez même si c'était vrai. Je dois prendre congé. Je vous en prie, si vous n'y êtes pas obligé. Non, vraiment, je dois m'en aller. Nous nous reverrons. Oui. Vous n'êtes pas curieux de savoir qui c'est? Je ne veux pas le savoir et je m'en moque. J'ai choisi mes propres occasions pour être jaloux, ma sœur. Il ne faut pas forcer les choses. Vous n'êtes vraiment pas une latine, Giacomo? Mais oui, je le suis. Quand je parle de latin, je songe à des guitares. Comme celle que nous entendons. À une clair de lune. Comme celui-ci. À un balcon. Je ne pense pas, ma chère, qu'on ait prévu un balcon sur ce bateau. S'il y en avait une, vous ne sauriez pas l'utiliser. Et vous, que feriez-vous d'un balcon? Roméo l'escalade? Pas du tout. Il escaladait les morts aux Ardennes, mais les balcons, pas question. Le balcon est une invention qui permet la rencontre des personnes de sexes différents avec un maximum de visibilité, un minimum de contact. C'est tout le caractère latin. Nous préférons vérifier la marchandise une fois le contrat signé. À Maligna, jamais Juliette ne lancerait son aisselle de corde avant d'être solidement mariée à quelqu'un d'autre. Je ne le ferai pas. Vous ne feriez pas quoi? Je ne lancerai pas mon échelle de corde. Ah, vous parlez de l'échelle de corde américaine, celle que Juliette utiliserait pour descendre. C'est une façon spirituelle d'insinuer que les femmes américaines se conduisent mal. Non, mais vous prêtez le flanc. L'amour est loin dans tout ça. Oh, Giacomo, l'amour. Mais vous ne savez qu'en parler. Une erreur. C'est vous, femmes américaines, qui ne cessez de parler de l'amour et vous n'arrêtez pas. Oh, oui. Mais oui, je vous assure, vous brouillez tout, vous époustez les étoiles comme s'il s'agissait d'étoiles d'araignée, vous balayez le clair de lune sous la carpette et vous êtes mécontente et navrée parce que le jour se lève. Vous savez ce que vous êtes, Joachimo? Vous êtes un marchand de boniments. Vous pontifiez sur les femmes, alors qu'il y a 2 minutes, celle que vous prétendez aimer était dans les bras d'un autre. C'est vrai, j'avais oublié de vous demander qui était ce type. Harry Lyme. Je ne connais pas. Vous ai-je dit que j'avais perdu au poker? Vous en êtes bien gardé? Oui, je croyais que les Grecs stupides étaient rares. Erreur, la race en est éteinte. Bonne nuit. Écoutez, Giacomo, j'ai à vous parler très sérieusement. Peu m'importe si vous êtes latine ou non. Ce n'est pas parce que nous ne nous aimons pas que nous devons nous marier. Allons dormir sur cette bonne parole. Je ne veux pas dormir. Vous feriez mieux, pourtant nous débarquerons très tôt demain matin. Je n'aurais pas dû le laisser partir. Quelle erreur. Quoi donc? Ce type, Lime? Ce type? Lime? Ce n'est pas un type. Et alors qui est-ce? C'est Harry Lime. Et après? Oh, vous n'avez jamais entendu parler de G. Harry Lime? Non, jamais. Oh, ça m'étonne de vous, très sincèrement. Êtes-vous resté longtemps à Washington? Mais je ne vois pas les rapports. Vous étiez le représentant diplomatique de votre pays. Vous devriez avoir honte. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que Harry Lime va faire à Maligna? Quoi donc? Non, vraiment, vous ne savez pas? Mais non, je l'ignore. Il est l'informateur du président, tout simplement. Du président de Maligna? Mais non, du président des États-Unis. Savez-vous ce que c'est que le plan Marshall? Oh, n'essayez pas de plaisanter, Suzy. Vous savez parfaitement pourquoi j'étais à Washington. Et comment? Pour essayer d'avoir un morceau du gâteau Marshall. Et vous avez échoué. Eh bien, apprenez ce que chacun sait. Nous n'envoyons pas $1 en Europe sans l'accord de Harry Lime. Ah, vous prétendez qu'il est l'un des conseillers du président? Le président ne prend pas une décision sans lui en parler. Bien entendu, sa photo paraît très rarement dans les journaux. Il est de ceux qui préfèrent rester dans les coulisses. Oh, Suzy, vous laissez encore vagabonder votre imagination. Si le président avait envoyé quelqu'un à Maligna, nous en aurions été informés. C'est une envoyée officieuse. Ah! Mais oui, c'est sa manière de travailler, officieusement, incognito. Cette fois, il prétend représenter Buzzo. Quoi? Mais oui, vous savez bien, buvez Buzzo, une limonade au sirop. Très intéressant. Écoutez-moi bien, Suzy. Si vous descendez par l'escalier de Dunette et si vous remontez à l'avant, vous apercevrez les marsouins. Et alors? Ils sont phosphorescents. Je m'en moque. Non, ça ne fait rien. Allez quand même les voir, je vous rejoins dans un instant. Oh, vous! où alors? J'envoie un câble, ma chérie, je vous rejoins tout de suite. Et vous êtes les radios, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Vous jouez de la guitare avec beaucoup de talent. Oh, merci. Voulez-vous que je vous joue un air que vous aimez? Oui, oui, amigo, les cliquetis du télégraphe sous votre main rapide. Le sort d'une nation dépend de vous. Voyez si vous pouvez prendre un dictée. Je préférerais un code, mais le code coûte cher et l'argent est ce qui manque précisément le plus à mon pays. Ministre des Affaires étrangères, Malignat, très secret, très urgent. L'âme, je répète, l'âme, prénom Harry, arrive Malignat demain, même bateau que moi-même. Je vais trop vite. Non, ça va. Vous informe l'AIM, chef des conseillers confidentiels du président des États-Unis. Stop. Inutile vous rappeler nos tentatives répétées pour obtenir aide financière Washington pour Malignat dans cadre plan Marshall. Toujours repoussé en raison hostilité américaine contre vraie fausse dictature. Stop. Conseiller présidentiel Olam recherchera preuve despotisme, virgule, brutalité, virgule et terreur dans Polisolita. Inutile préciser, nécessaire Lime soit mis dans impossibilité de couvrir pareille chose. Je répète, nécessaire Lime soit mis dans impossibilité de couvrir pareille chose. Démocratiquement, Joachimo. C'est tout? C'est tout. Envoyez-le en urgence. C'est 2000 francs, monsieur. Ah, et ma fiancée vous réglera. Bonne nuit. Hello, honey. Hello, Harry. Nous arrivons. Étiez-vous déjà venu à Malignat? Non, Susie, jamais. Je me suis demandé si je devais vous poser cette question. Ça paraît pas mal d'ici. Des drapeaux, des oriflammes, on arrive en pleine fête. Vous savez ce qui se passe à Malignat? Ah, pas le moins du monde, je ne connais pas le coin. Eh bien, d'un certain point de vue, c'est une sale petite dictature. Harry, franchement, que faites-vous ici? Ce que je fais ici, franchement. Buzzo, voilà ce que je fais, Buzzo. C'est tout ce que vous savez dire, Buzzo. C'est ce que tout le monde boit, Buzzo. Sauf en Malignat, où ils boivent de l'abomino. Ils font ça avec des écorces de mandarine. Eh bien, les joueurs de l'abomino sont comptés. Et quel est ce tintamarre? C'est l'hymne national malignan. Regardez, une bateau pilote vient à notre rencontre. Il a lui aussi un orchestre à son bord. Ils font vraiment bien les choses. Harry, je crois qu'il faut que je vous mette au courant. Puis-je vous donner un conseil? Avec joie. La première chose à faire, lorsque vous rencontrerez le dictateur, sera de lui faire contresigner votre concession pour Buzzo. Le moment est venu, Harry. Ok, mais comment voir le dictateur? Il arrive à votre rencontre. Ah, bien sûr, bien sûr. Et avec tous ses ministres, peut-être? Justement, avec son cabinet au grand complet. Dites-moi, honey... Vous avez de l'argent. Oh, il me reste 1500 francs dans mon sac, pourquoi? Merveilleux. Offrez-moi à dîner ce soir. Plus tard dans la saison, lorsque tous les citoyens auront adopté le buvet Buzzo, c'est moi qui vous offrirai à dîner. Mais nous dînons tous ensemble ce soir. Joachimo vient avec nous. Pas seulement lui, le président, la femme du président, le cabinet et tous les officiels. En votre honneur. En disant le président, vous voulez dire le dictateur, l'amiral machin? L'amiral Chuchibamba et Lolita. Vous savez la fameuse Lolita? Madame Chuchibamba. C'est elle le véritable dictateur. Et nous allons tous dîner ensemble, à la même table. Exactement. Alors vous plaisantez. Regardez toutes ces banderoles sur le quai. Prenez mes jumelles. Merci. Lisez les inscriptions. Viva Harry Lime. Ah ah, c'est drôle. On dirait vive moi. Vive! Thank you. Suzy m'expliquait la situation avant que les officiels du comité d'accueil n'arrivent à bord. Elle avait simplement voulu en mettre plein la vue à son bon ami. Et c'était maintenant au tour de la République... de la dictature de Maligne à vouloir en mettre plein la vue à Harry Lime. Si vous êtes forcé de venir à Maligne, vous n'y couperez pas de la visite des curiosités et richesses du pays. On vous montrera le Parlement, utilisé exclusivement comme cinéma tous les deux samedis, depuis que l'amiral conduit le char de l'État. Puis deux volcans éteints et un grand hangar en tôle où l'on met l'abomino en bouteille. L'aquarium municipal sans eau, sans poisson. Et le kiosque à musique qui sert actuellement d'étable. Et si vous refilez à votre guide un pourboire supplémentaire, alors on vous montrera la prison. Et la cellule qui fut celle d'Harry Lime. C'est pas non plus quelque chose de très sensationnel. Il y en a eu d'autres. Un peu partout dans le monde. Pour revenir à notre histoire, au point où nous l'avons laissée avant cette parenthèse touristique, je vous rappelle que nous sommes à la fin de l'après-midi. Je suis toujours l'invité de marque de l'état de Maligne, et un banquet est prévu en mon honneur. Je vous entraîne donc au palais présidentiel où Lolita s'emmaillote dans sa robe du soir. L'amiral, toute décoration dehors, l'attend derrière un paravent. Vois qui c'est, mon petit trésor. Ah, c'est Joachimo. Excellence. Alors, Joachimo. Mon oncle Isidro est au plus mal. Il va rendre l'âme d'un moment à l'autre. Oh, j'en suis consterné. Mon meilleur ministre des Affaires étrangères. J'espère prendre sa succession. Mais j'espère que vous n'y voyez pas d'objection, Excellence. Mon oncle Isidro a pu recouvrer ses esprits suffisamment pour me mettre au courant de cette charge. Oui. Expliquez-vous. Signora, le poste essentiel dans le gouvernement de votre mari, c'est l'information. Et votre oncle Isidro, que je sache, n'a jamais été ministre de l'information. Non, ministre de la culture, ce qui est un titre, et chef de la police secrète, ce qui est une fonction. En Maligne, l'information est politiquement importante et dépend de celui qui possède le plus de renseignements sur les autres. Mon oncle Isidro possédait des quantités de fiches sur tout le monde. Il me les a léguées. N'ayez aucune inquiétude, la boue sera soigneusement mise à l'abri comme auparavant. J'en fais un point d'honneur familial. Et ça me paraît plutôt une forme de chantage. Je suggère, signora, que nous cessions de nous amailler pour faire face à des questions d'état extrêmement touchantes. Par exemple, convaincre Harry Lime d'user de son influence à Washington pour nous faire bénéficier d'une aide financière. Et comment y parviendrons-nous? C'est l'enfance de l'art. Il nous suffira de persuader Lime que Maligne est une véritable démocratie. Non, nous n'avons pas besoin pour le moment d'une ciboulée de réformes démocratiques, mais d'une simple averse de menaces. Expliquez-vous. Signora, Excellence, dans l'intérêt de l'aide dont a besoin Maligne, je propose la formation immédiate d'un convenable parti clandestin. Mais dans quel but? Écoutez-moi, les démonstrations démocratiques et fictives que nous avons servies à l'âme nous ont placés dans une situation délicate. Prenez plutôt le discours d'aujourd'hui de Lolita. Quoi? Qu'est-ce qu'il avait, mon discours? Signora, il était bourré de dynamite. Tu as promis au peuple la liberté des paroles, la liberté de religion, la réduction des heures de travail, l'augmentation des salaires, la retraite des vieux, des repas chauds pour les enfants à l'école. Ils ont tous applaudi, bien sûr, mais nous n'avons pas l'école pour y servir ces fameux repas. Mais il faut convaincre Lime, le persuader de signer un chèque. Non, ça n'est pas si facile. Liberté de la presse, liberté des réunions, repas gratuits. La prochaine fois, réclameront les droits de vote. C'est justement ce que je voulais vous proposer. Quoi? Nous devons, comme disait Vittorio Ugoletto, captiver au plus haut point les esprits par la surprise du plaisir qui passe, c'est-à-dire par une campagne présidentielle. Avec plusieurs candidats? Et des bulletins de vote différents? Essayons-nous, oui ou non, de ressembler à une démocratie. Si oui, rien n'est plus péremptoirement démocratique qu'une campagne présidentielle. C'est idiot! Je suis d'accord avec Lolita. L'idée d'une campagne présidentielle à Maligne me paraît complètement idiote. Et pourquoi, je vous prie? Pourquoi? Parce que je suis le seul candidat pour qui l'on puisse voter. Et si nous trouvions quelqu'un d'autre? Il n'y a pas de raison. Vous voulez dire quelqu'un de notre bord? Quelqu'un de sourd? Moi, par exemple. Signora Presidente, ne ferait pas mal. Non, mon trésor, ne nous énervons pas. Où allez-vous le trouver? Eh bien, j'ai pensé à Campo. Pauvre vieux Campo, je l'avais presque oublié. Il était à peine social-démocrate, pas rouge, tout juste rosé. Mais enfin, l'ennui avec Campo, c'est qu'il est mort. Qui est Campo, mon cher? C'était avant toi, mon trésor. Campo était président de la République avant le coup d'État. Et de quoi est-il mort? Oh, des types lui ont fait un mauvais parti. Des types? Mes types, bien sûr. Les derniers jours de la guerre civile ont parfois été pénibles. Mais tu connais cette falaise à gauche du terrain de golf au-dessus du camp de travail, celle qu'on appelle les sauts de l'amoureux. C'est là que Campo a sauté. Nous avons dit qu'il s'était enfui, qu'il avait voulu éviter la justice du peuple en quittant son pays, ce qui est en définitive plus ou moins arrivé. Mais où est Lime? Dans son appartement du Grand Hôtel Impérial. Il a demandé un bain chaud. S'il l'obtient à l'Impérial, ce serait un événement historique. Et quand j'étais en Amérique, excellence, j'ai étudié les méthodes de campagne électorale dans différentes villes et dans différents états. Mon trésor, un autre verre. Je m'excuse d'insister sur ce point, mais je suis sûr de ne pas me tromper en affirmant que nous avons à faire face à une crise sérieuse. Une crise, la banqueroute, oui. Assez doux, mon ange. Annonçons comme parti réformiste demande à participer au gouvernement. Bon, d'abord, si ce parti obtient trop de voix, nous avons toujours la vénérable tradition qui consiste à jeter les urnes dans la rivière. Mais la merveilleuse solution est pour le principe de nous assurer la victoire. Pour ça, le cimetière est tout indiqué. Le quoi? Qui vient faire le cimetière? Les agents du parti sont envoyés dans les différents cimetières. Ils déchiffrent les noms gravés sur les tombes et dressent des listes qui sont très utiles le jour des élections. C'est le meilleur moyen d'obtenir une majorité confortable pour notre parti. Il n'y a réellement pas de votant plus sûr que les morts. Mais j'ai encore une meilleure idée. Sans me vanter, je sens que c'est une idée de haute politique. Bah, qu'est-ce que c'est? Je l'exposerai en toute simplicité. Oui, j'en doute, mais allez-y. Si l'on peut accroître ses chances dans une campagne électorale en utilisant des votants posthumes, pourquoi n'être pas absolument certain de sa victoire? Bien sûr, mais comment? Ça coule de source. En ayant recours à un candidat posthume. Bien entendu, je n'assistais à aucun de ces entretiens secrets, mais j'eus l'occasion plus tard, en prison, d'en réunir tous les éléments. Pourquoi ai-je été jeté en prison? Nous y arriverons. En tout cas, le banquet, en mon honneur, bien entendu, fut une importante manifestation au cours de laquelle tous les assistants carburèrent à la bomine. Je finis par m'éclipser pour faire une balade en taxi avec Susie. Le chauffeur nous amena à un endroit appelé... le sceau de l'amour. C'est le sceau de l'amour qu'on l'appelle, señorita. Mais son véritable nom, c'est le sceau de Campo. Campo, n'est-ce pas le nom du candidat à l'élection présidentielle? Ils nous en ont parlé tout à l'heure, Harry. Mais, chauffeur... il n'a pas sauté dans le mer de cet endroit. Señorita, dans les circonstances où il s'est trouvé, il n'avait pas le choix. Il a dû se tuer. Oh, nous en avons été longtemps persuadés, señor. Pourtant, un sardinier l'a recueilli. Un jour, il reviendra et délivrera Maligna de ses chaînes. Dites-moi, chauffeur, êtes-vous au courant de la prochaine élection? Peut-être le chauffeur n'a-t-il pas assisté aux banquettes. Mais c'est vrai. Eh bien, chauffeur, ils nous ont cette nuit annoncé les prochaines élections. Campo est candidat à la présidence. Quel dommage. Pourquoi quel dommage? Vous avez dit qu'il présentait sa candidature à la présidence. Hein? Alors il est sûrement mort. Tandis que sur la falaise, je profitais du clair de lune au bras de Susie, son fiancé, Lolita, revenu au palais, complotait activement. Oui, mais qu'arrivera-t-il s'il est élu? Qui? Mais ce candidat posthume, bien sûr. Celui de votre idée. Qu'arrivera-t-il si ces social-démocrates se campoient vainqueurs? Mais, signora, il gagnera, c'est certain. Vous disiez qu'il était mort. Mais c'est là que nous allons faire de la bonne politique. Nous faisons courir le bruit que Campo est vivant, et comme il ne l'est pas, l'adversaire est rêvé de l'amiral. Mais alors, mon petit trésor va être battu. Mais oui, les électeurs sont toujours des ingrats. Suivez-moi bien, signora. Nous manœuvrons pour que Campo fasse savoir que la maladie et son âge avancé ne lui permettaient pas de revenir dans sa patrie. Comment? Non, il est mort. J'écris moi-même le message. Campo déclare que l'amiral a réalisé des miracles à Maligne et qu'en conséquence, il lui cède la place avec enthousiasme. Retraite au flambeau, feu d'artifice, grande première de course de taureau avec Matador d'Espagne, distribution de boissons, une légère amnistie et le lendemain, tout reprend son cours normal. Cependant, au saut de Campo, la lune malignanaise brillait de son plus bel éclat. Harry? Oui, Susie? Rapprochez-vous de moi. Plus près, avec plaisir. Non, gardez le tête haute. Je veux vous voir. Ah, señorita, vous aussi, vous savez remarquer. Dites-moi, vous êtes un parfait chauffeur, très aimable, mais vous pouvez partir. Ah non, señor, vous avez besoin de moi pour vous conduire à l'hôpital. À l'hôpital? Il a raison! Vous êtes couvert de taches rouges, n'est-ce pas, chauffeur? Si, si, et vous verrez demain matin. Des taches? Mais quel genre de taches? C'est la rougeole du pays, señor. On vous mettra 3 semaines au moins en quarantaine. La rougeole de Maligne. C'est à elle que je dois d'avoir perdu la meilleure partie de l'historique campagne électorale de Maligne. Heureusement, Suzy, qui venait chaque jour au lazaret m'apporter des jus de fruits, me tenait au courant avec précision. Campo, le candidat vénéré et posthume, remportait une victoire qui prenait l'aspect d'un raz-de-marée. L'amiral était fou de rage. Non pas parce que Campo triomphait, mais parce que j'avais la rougeole. Il s'était embarqué dans les ennuis et les dépenses d'une élection uniquement pour moi, et je n'assistais pas au spectacle. Entrez, entrez! Ah, c'est votre bureau, Joachimo? Oui, excusez-moi, tenue, mais nous sommes débordés de travail. J'ai lu tant de titres sur le pont. Eh oui, je suis ministre de la Culture, chef de la police secrète et responsable de la campagne électorale de l'amiral. Je vous offre quelque chose. Non, merci, Joachimo. Mais c'est du buzzo? Eh oui, c'est du buzzo. Une dure concurrence pour l'abomino. Parlez-moi de Campo. Il est en très bonne position. Et Frizzo? Frizzo? Connais pas. Non, non, à part l'amiral, Campo est le seul candidat. Frizzo n'est pas un candidat, c'est une boisson. Une boisson? Comme Buzzo? Oui, mais Frizzo est meilleur que Buzzo, si vous voulez mon avis. Ah, je n'y tiens pas. Lime m'a donné un honnête pourcentage sur sa concession de Buzzo et nous n'avons pas besoin de concurrence. La libre concurrence, c'est la démocratie? Oui, c'est depuis peu mon avis. Tenez, laissez-moi vous lire les dernières paroles de Campo sur son lit de mort. Je viens de les écrire. Mes compatriotes et camarades bien-aimés, nous pensons que nous les ferons mourir officiellement la veille de l'élection. Ce sera moins dramatique et encore plus sourd. Entrez! Voilà, c'est moi. Ah, ne m'approchez pas, vous êtes contagieux. Non, non, plus beaucoup. J'ai scié mes barreaux avec ma lime à ongles. Mes taches commencent à disparaître. N'est-ce pas, Suzy? Un peu, Harry, mais il y en a encore beaucoup. Joachimo, je suis ici pour vous faire un aveu. Je m'excuse, mais je n'ai vraiment pas le temps en ce moment. Ah non, je vous en prie, cette élection a assez duré. Vous avez reçu des instructions de Washington? Non, non, je n'ai jamais reçu d'autres instructions de Washington que celles qui concernent ma déclaration d'impôt. Tout cela est né dans l'imagination de Suzy, Joachimo. Elle a bâti son petit roman, vous le connaissez? Une minute. Essayez-vous d'insinuer que vous n'êtes pas le bras droit du président? Tout juste. Vous êtes en état d'arrestation. Vous m'arrêtez? Et pourquoi donc? Vous êtes accusé d'être un espion américain, en prison. Mmh. Sur le chemin de la cabane, sous bonne escorte, j'aperçois un nouvel arrivant. Un petit bonhomme bien mis, genre diplomate, avec les cheveux en brosse. Hey, see, dites donc, you're American? Yeah, I'm American. Oh, Dieu soit loué. Peut-être pouvez-vous m'aider à m'en sortir. Mon nom est Lime. Lime? Yes. Vous dites bien, Lime? Yes, Lime. Lime de Buzzo? Yeah. Je suis John de Frizzo. Bonjour, monsieur. Allô, ne coupez pas. Allô. Mais non. Passez-moi les journaux au téléphone. Silence, je vous en prie, silence. Gardons la tête froide. Allô. Allô, le bureau du rédacteur en chef. Voici votre titre de première page pour demain. Complot découvert, fraude aux urnes démasquées, la loi martiale déclarée. Parfait. Faites appeler la gare. Fermez tous les cafés, les salles de billard. Coupez le téléphone. Allô, allô, allô, allô. Attendez, attendez. Il faut l'améliorer. Ouvrez les guillemets. On révèle que Campo est un instrument de l'impérialisme américain. Point d'exclamation. Ne vous écopez pas des journaux. Envoyez les gars brûler les urnes. Trop tard, trop tard. Que veux-tu dire? Pourquoi trop tard? J'ai mes morts qui soient élus. Mais tu ne t'en moques plus s'il est vivant. Vivant? Campo n'est pas mort après tout ça. Certainement pas. Il s'était réfugié en Amérique, où il travaillait, pour Frizzo. Frizzo? Encore une boisson non alcoolisée. Campo était laveur des bouteilles aux ateliers de Scranton. Et vous savez la bataille que se livrent Buzzo et Frizzo. Monseigneur, nous n'en sommes pas des querelles des marsans des limonades. Au contraire, nous y sommes. Frizzo a vu les moyens de battre en brèche Buzzo et Maligna. Ils ont frété un avion spécial. Un avion est spécial? Oui. Et le président régulièrement élu, Campo, sera à Maligna cette nuit. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie un autre avion spécial, les nôtres, pour partir. Excellence, nous avons vu grand et nous avons échoué. Mais qui êtes-vous? Mon nom est John. Et alors? John de Frizzo. Signora, Excellence, messieurs, j'ai l'honneur de vous informer que Maligna est libéré. Que voulez-vous dire, libéré? Rangez-vous à la logique historique, signora. La dictature a fait son temps. Maligna a retrouvé le régime démocratique grâce à Frizzo. Parmi les bénéficiaires de la libération, j'ai le plaisir de vous faire savoir qu'on avait inclus un pauvre oiseau en cage encore couvert de taches roses du nom de Harry Lime. Je faisais également partie de la liste des passagers du premier avion en partance. Et ainsi, vous avez assisté aux intrigues qui ont permis la naissance d'une nation. Et la population de Maligne, désireuse de célébrer la victoire de la démocratie, est retournée comme un seul homme à l'Abomino. L'Abomino est très nocif pour vous, mais les Malignanais la supportent allègrement. Joachimo est professeur de rumba à Miami. Susie, je ne saurais jamais pourquoi, a épousé Jones de Frizzo. Et Lolita tient Scranton, la petite maison de l'amiral, promu laveur de bouteilles chez Buzzo. Buzzo, bien entendu, m'a flanqué à la porte. So long et Dieu merci. On ne m'y reprendra pas à vouloir m'acheter une conduite. C'était Le Candidat Posthume, le 7e épisode des aventures de Harry Lime. Une émission d'Orson Welles, adaptée et traduite par Maurice Bessy. Harry Lime était Jean Servais, Suzy et Lina Labourdette, Joachimo Jean-Marc Thibault, Lolita Germaine Montero, le radio Jacques Bénétin, le chauffeur Jacques Dufilot. Musique de sitar, écrite et interprétée par Anton Carras. Réalisation Jean Chouquet. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur Paris Inter le 28 novembre 1951. Vous pourrez le réécouter en ligne ou le télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.